pour les forestiers. Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini vous offre le F-150 2019 en location à seulement $198 aux deux semaines pendant 48 mois au taux annuel de 3,99%, en plus d'un rabais technologique d'une valeur de $750. Toute l'équipe de Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini souhaite aux forestiers un bon mois de l'arbre et de la forêt. Jean Dumas Ford, 1711 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-1316. On va parler avec quand même plusieurs, c'est la série finale de la Coupe Stanley, plusieurs petites nouvelles également, ce qui a trait le Canadien et également la Ligue nationale. Salut Marc! Salut Danny! Marc, première question que je veux te poser, moi j'ai favorisé les Blues en 7, mais je veux dire, on a fait... Dans le premier match, les Bruins, c'est après, en deuxième période, quand ils ont commencé à jouer, le train de 5 heures arrivait, hein? Bien, c'est sûr, écoute, Danny, on peut pas dire que Saint-Louis sont fait déclasser là, lors de ce premier match-là. Ils ont quand même très bien sorti. C'était pas facile d'aller gagner à Boston. Les Bruins, c'est une équipe rodée, pas à peu près, puis... Ils jouent très bien à la maison avec le support de leurs fans. Alors, c'est un mandat qui était pas facile. Malheureusement, pour les Blues, là, ils l'ont échappé. Mais ce soir, là, ça devient un gros match. Puis c'est sûr, admettons qu'ils gagnent ce soir. Les autres, c'est sûr qu'ils vont dire après le match qu'eux autres, ils espéraient en envoyer une sur deux à Boston. Alors, s'ils réussissent leur mandat ce soir, ça va être mission accomplie. Écoute, c'était le but, effectivement, de gagner un match à Boston. Ah oui, absolument. Surtout quand tu sais que c'est déjà difficile. Je pense que ça serait plus une victoire mentale là, qui donnerait un boost de confiance incroyable. Parce que de gagner contre les Bruins, déjà, c'est un gros mandat. Mais de gagner contre les Bruins à Boston, c'est un double mandat. Alors, c'est sûr et certain que s'ils réussissent à le faire ce soir, ça va être un bon boost pour eux. Écoute, j'ai bien hâte de voir Mais 10 jours, les Bruins, ils ont été quoi, 10 jours quasiment arrêtés? Ça n'a pas trop paru, c'est quand même pas pire pareil. Là. Normalement, c'est quand tu as un long arrêt de même, c'est quand même embêtant toujours. Tu sais jamais comment tu vas sortir. Oui, oui, mais tu sais, ça c'est un vieux cliché aussi, Danny. Moi, rendu à ce temps-là de l'année, tu as joué quoi, 5, 6, 7, 8 matchs hors concours, tu as joué 82 matchs en saison régulière. T'es rendu à presque une quinzaine de matchs dans les séries. T'es rendu presque à 100 matchs. Je vais te dire une chose. Les 10 jours, là, quelqu'un qui me dit que c'est pas bénéfique pour une équipe, je vais te dire au contraire. Tout le monde sait que c'est des saisons éreintantes. Maintenant, les équipes doivent se battre quasiment jusqu'au dernier match de la saison pour s'assurer d'une place dans les séries. Alors, il n'y a pas de relâchement pendant la saison. On arrive dans les séries, ben on est plus fatigué, c'est plus intense, on traîne des petits bobos, des blessures qui veulent pas guérir. Alors, tout ça mis ensemble, je pense que c'est plus bénéfique que néfaste là, d'avoir une couple de jours de congé de plus. Exactement. Marc, il y a des nouvelles dans l'actualité dans le monde de la Ligue nationale. D'abord, il y a 3-4 nouvelles que je veux te faire commenter. Andriy Markov. On dit qu'il y a 3 équipes de la Ligue nationale qui s'intéresseraient à Markov. Il me semble que quand tu n'es plus assez bon pour jouer pour la KHL, pourquoi tu serais bon pour jouer à la Ligue nationale? Ouais, c'est une très bonne observation. Écoute, moi, c'est un gars de fin de carrière. Je ne veux pas rien enlever à la KHL, là, mais tu sais, on parle... Tu as la Ligue nationale et la Ligue américaine. Ben c'est une rétrogression, à mon avis, si tu parles de la Ligue nationale, elle est là. Alors, tu es une couple d'années à jouer dans un calibre moins haut. Revenez dans la Ligue nationale. Regarde, Kovalchuk, comment c'était difficile. Puis, il est quand même... il restait quand même une couple de saisons. Puis, c'est une équipe c'est une ligue jeune. Capable. C'est de plus en plus jeune. Oui, oui, oui. Alors, je suis pas convaincu. Par contre, des fois, en équipe qui se dit juste... un spécialiste de l'avantage numérique, un exemple, on veut avoir un gars qui va contrôler ton avantage numérique, peut-être qu'il serait... Tu le ramènerais ça à Montréal, c'est la question, parce que, semble-t-il que les rumeurs disent que le Canadien serait pas dans le décor, mais compte tenu que le Canadien a tellement arraché en avantage numérique, moi, je pense qu'il faut passer à d'autres choses, à un moment donné, là. Ouais, moi, je suis pas le plus grand amateur de ramener... Ouais. Un ancien coach ou un ancien joueur. Je te dis pas que ça fonctionne pas parce que on regarde dans le cas de David Perron à Saint-Louis, c'est un retour à Saint-Louis puis il fait très, très, très bien avec les Blues. Mais non, moi, je crois que si on, On regarde toute la perspective chez le Canadien. On regarde l'âge de Markov. Il n'est pas parti nécessairement en bon terme avec le Canadien. Tu ramènes ça. Je pense pas que ça serait favorable pour le Canadien. Effectivement. Puis ce qu'on dit, par contre, c'est d'avoir un agent. Puis Markov, c'est lui qui négocie son contrat. Puis ça, quelque part, ça n'a peut-être pas aidé non plus dans là-dedans. Mais bref, ça revient toujours à ce que dit. Peut-être qu'il passe fort. Quand il pue, c'est bon pour jouer dans la KHL. Pourquoi s'il n'y a rien dans la Ligue nationale? C'est la question que je me pose. Deuxième question, deuxième point d'actualité, Dave Tippett à Edmonton. J'écoutais certaines analystes qui disaient, je ne suis pas sûr que c'est le gars que j'emmènerais à 58 ans, compte tenu des millenniums, compte tenu de la nouvelle tendance du hockey. Mais il me semble que Dave Tippett a fait de l'excellent travail avec les Coyotes de l'Arizona. Ben non, c'est un excellent coach. Ouais, hein? C'est un gars qui est extrêmement respecté de ses joueurs. Il a appris à gagner. Je pense que c'est un bon gagnant de coach, mais Danny, tabarouette. Tu sais, à un moment donné, là, c'est de la chaise musicale, là, dans les coachs Edmonton. Voilà, tu sais, il y en a des bons qui ont passé. Il y a un cancer, là, il y a de quoi dans cette organisation-là qu'on est de la misère à s'expliquer. Écoute, c'est pas normal d'avoir des choix de premier, des tout premiers choix, puis pas performer de même. Mais un joueur d'Agnissan en plus. Oui. Absolument. Moi, je suis d'accord. Tu sais, je pense que l'organisation a besoin d'un traitement choc. Là. Je ne sais pas si ça se passe au niveau du deuxième étage. Entre les cas, ça glace. Les joueurs ne réussissent pas à passer à la prochaine étape, si tu veux. Puis avec tout le talent qu'il y a en place et tout le talent qu'il y a passé là, qu'ils ont envoyé, là, il y a des Eberle, puis Peter Hall et compagnie qui sont partis. Eugene Hopkins qui a connu une bonne année, mais ça n'a pas trouvé le cas, là. Ouais, alors il y a Kupov que ça fait de patate. Alors, c'est sûr et certain qu'il se passe un petit quelque chose à Edmonton. Il y a un manque, puis et comme je te dis, je me demande si c'est pas plus au deuxième étage sur la glace. Les anciens Oilers, moi j'ai un collaborateur qui suit les Oilers pour Radio-Canada Edmonton, Marc, écoute bien ça. Puis il me disait qu'il y avait pas mal de belles-mères dans l'entourage des Oilers. Les anciens Oilers, Kevin Lowe, après ça, Greg McTavish, Wayne Gretzky, c'est encore tout là, ça là. Puis c'est par en arrière. Puis est-ce que ça pourrait régler cette histoire-là? Ça pourrait expliquer bien les affaires? Ben, écoute, si là, moi là, j'ai vraiment pas de problème à avoir des anciens qui pataugent là, dans l'organisation. Il faut que les personnes soient dans les bonnes chaises. Je te donne un exemple. Lorsque le Canadien avait engagé Réjean Houle et Mario Tremblay, c'était pas la solution. Yvan Cournoyer également. C'était pas des gars-là. Mais est-ce que Réjean Tremblay fait une bonne... Réjean Houle, est-ce qu'il fait une bonne job en tant qu'ambassadeur du Canadien? Puis être un gars de relations publiques, il est extraordinaire pour faire ce boulot-là. Comme Yvon Lambert est incroyable pour faire le PR. Mais là, quand tu prends ces gars-là pour faire, pour diriger ton équipe, prendre des décisions et tout, ben peut-être que justement, c'est pas les bons gars en place pour prendre les décisions nécessaires. Okay. Troisième point d'actualité. Écoute, là, les médias à Montréal, ça me font tellement rire, Marc. Il y a un joueur qui devient libre, puis déjà, on se pose la question si Marc Bergevin devrait être là-dessus. Puis, c'est ça. Là, c'est Mitch Marner qui a dit qu'il est prêt à écouter les offres hostiles. Tu sais, maintenant, c'est parler pour rien dire. Il y a de moins en moins... Marc, tu l'as été directeur général dans un calibre moins fort, mais tu vas m'en venir avec... tu vas me comprendre ce que je veux en venir. Si tu fais une offre hostile, je ne suis pas sûr que l'autre directeur général va t'aimer. Puis avant tout, c'est une gang, les directeurs généraux, là. Pas sûr que Marc Bergevin, qui est un gars qui est funné, qui est aimé des directeurs généraux, des autres directeurs généraux, il va aller faire un offre hostile à Mitch Marner, même si Toronto, c'est la pire, c'est l'ennemi numéro un du Canadien. Oui, mais d'un autre côté, Danny, là, business is business. Si à un moment donné, là, si le gars il est libre, puis que tu dis crime, nous autres, on a la place et l'argent. Pour l'avoir dans notre organisation. Moi, je pense que Marc Bergevin, il doit faire son boulot. Est-ce que Mitch Marner va vraiment être libre? Écoute, moi, je pense que Marner veut jouer les enchères parce que il a la chance peut-être dans les prochaines années de pouvoir garder une équipe potentielle à gagner la Coupe Stanley à Toronto. C'est un gars qui vient de ce coin-là. Il est adulé par les Maple Leafs. Peut-être que lui, il se dit, on va aller tâter le terrain, puis on s'en va monter les enchères. Comme il était arrivé avec Joe Sakic, là, quand il avait signé son contrat, les Rangers, ils avaient offert... mais les Rangers, à l'époque, ils avaient offert 21 millions pour 3 ans à Sakic, 7 millions par année. Puis Colorado est obligé d'égaler l'offre. Alors, s'il avait juste signé avec l'Avalanche, sans négociation ailleurs, il aurait peut-être signé pour 5-6 millions. Alors, il se retrouvait avec 7 millions. J'ai l'impression que ça ressemble un peu à cette situation-là dans le cas de Marner, où ce qu'il va aller tâter le terrain, il va avoir des offres assez pesantes. Puis là, Toronto n'aura pas le choix d'égaler l'offre. Alors, ça ressemble plus à ça. Shea Weber avait signé avec les Flyers de Philadelphie, rappelle-toi. Puis les Predators vont être obligés d'égaler l'offre. C'est pour ça qu'il y a un gros compte comme ça. Ouais, ça se peut très bien. Là, je l'ai pas en mémoire, mais ça se peut, Daniel. Mais à quelque part, Mitch Marner vaut 4 choix de première ronde. J'embarque pas dans l'histoire parce que contrairement à toi, je pense que c'est une confrérie de directeurs généraux. Tu vois pas ça, puis ils feront pas ça. Puis deuxièmement, si tu veux pas te faire le coup, fais-le pas aux autres. C'est souvent ça dans le passé. Là. Mais mettons que j'embarque dans ton jeu, Marc. Est-ce que Mitch Marner vaut 4 choix de première ronde? Moi, non. Est-ce que, premièrement, Danny, est-ce que c'est le réel prix qui était établi ou c'est des spéculations que ça coûterait 4 choix de première ronde? Parce que là, je ne sais pas. C'est la convention collective. Qui est la vraie compensation. Oui, OK, c'est vraiment le prix. C'est sûr que c'est cher à payer. Mais regarde, Boston, il avait fait ça avec, je me souviens bien, Phil Kessel, qui avait coûté 3 choix de première ronde à Toronto pour l'avoir. C'est cher payé là quand tu sais ça, puis même que ça a relancé Boston là, le fait de l'envoyer. Alors non, c'est cher payé. Le Canadien, même si Mitch Marner est là, le Canadien, ça fait pas une équipe aspirante à la Coupe Stanley le même matin avec Mitch Marner, mettons. Non, absolument pas. Puis ça va peut-être hypothéquer ton futur à cause que tes choix de première ronde des 4 prochaines années, tu les auras pas. Alors, mais c'est sûr que c'est tout un joueur d'hockey, là. Mais je sais pas, je choisirais 4 choix de première ronde, 4 joueurs potentiels d'être des joueurs d'impact ou un seul. C'est un possible. Marc, merci beaucoup. On s'en parle bientôt. Collaborateur Marc Fortin.